Alors, de quel matériel s'agit-il? Bah là, c'était là qu'on voit dans des caméras, là où on, oui. Le plan sur les caméras, c'est le fameux studio école avec ses caméras recarrossées qui ont l'air très belles comme ça, mais qui en fait sont des caméras de surveillance à l'intérieur. D'accord, donc c'est le studio intermédiaire plus léger que le premier non, avec non, les non, grosses. C'est le premier. Non, non, c'est pas celui qu'on voit là, c'est pas le premier. C'est pas le caméra mix. Ah oui, c'est quand même. Ah non, c'est c'était celui de la régie H. La régie H, d'accord. Voilà, un nouveau bâtiment qui a été appelé le bâtiment H. Et au deuxième sous-sol, il y avait cette régie avec des très belles caméras, apparemment très belles, mais effectivement, à l'intérieur, c'était une électronique vraiment minimum. Donc. C'est ça qu'on voit. Enfin, ouais. le tout premier plan, oui. Là, c'était sur la régie lourde. Oui, la régie lourde, avec les avec le mélangeur, voilà. On ne voit pas les caméras, c'est dommage. Ouais. Mais je pense qu'on les voit dans d'autres films, comme le ghetto expérimental ou les murs, les et murs la et parole. La parole. Il n'est pas impossible qu'il y ait des plans où on voit le studio. J'ai dit, il doit y avoir des photos aussi, qui doivent être à Vincennes au service photo, dans les archives. De ces énormes caméras sur des énormes pieds qui étaient absolument indéplaçables. Et alors donc, la conséquence de ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y avait un prisme qui divisait la lumière par deux, sachant qu'on n'utilisait pas la partie fine, c'est qu'il fallait éclairer deux fois plus. Pour ouvrir un même diaphragme, il fallait deux fois plus de lumière. Et comme c'était à peu près aussi haut de plafond qu'ici, il fallait des spots énormes. Et il est évident que c'était intenable, il n'y avait pas de climatisation ni rien, donc c'était vraiment un studio quasi inutilisable. Alors comment tu t'étais retrouvé à Vincennes, donc ton parcours? Tu étais à la fois électronicien étudiant en cinéma. Voilà, enfin, disons que j'étais électronicien, j'ai travaillé dans le privé, puis j'en avais assez, donc j'ai voulu recommencer autre chose. Donc je suis rentré à Vincennes, comme beaucoup, comme étudiant, là en cinéma pour passer une licence cinéma. Donc, je devais rester 2 ans, comme j'avais des équivalences. Et puis, bien, ça fait 41 ans, j'y suis encore. Voilà. Donc, c'est un bel exemple de fidélité. Et voilà, donc, j'y suis pas pour longtemps maintenant, mais voilà, j'y suis encore. Et donc, ça s'est fait comme ça. J'ai trouvé un poste sur place, mais qui n'était vraiment pas au niveau de ce que je devais faire. Mais bon, disons que... Le cadre général de l'université, la relation avec les enseignants, qui était quand même un peu exceptionnel par rapport à d'autres universités, entre personnel et enseignants. Et donc, voilà, cette ambiance-là fait que beaucoup de gens qui sont rentrés, il y a d'autres exemples ici, de gens qui sont rentrés à Vincennes comme étudiants et qui se sont retrouvés soit dans le personnel, soit comme enseignants eux-mêmes après. D'ailleurs, en cinéma, presque tout le monde est arrivé comme étudiant. Et voilà, donc c'est quelque chose qui était un peu assez naturel, quoi. Puisque comme cette université se créait, tout était possible. Donc il y a eu, la plupart des gens ont été cooptés, que ça soit chez les enseignants ou chez les étudiants, chez les personnels. Donc ça s'est construit comme ça, un peu sur les personnes, et les gens sont restés parce qu'ils voyaient qu'il pouvait se passer quelque chose dans cette université. Alors la vidéo, c'est un exemple qui a beaucoup compté, dans le sens où il y a beaucoup de départements qui ont utilisé ce support, surtout quand il devenait possible de l'utiliser, quoi. Oui, on peut voir quelques exemples. Donc aujourd'hui, il faut insister, tu es seul membre du laboratoire que tu diriges, le laboratoire vidéo assisté par ordinateur, donc VAO. Et aujourd'hui, donc, tu consacres l'essentiel de ton temps à restaurer des bandes vidéo anciennes. Voilà. Donc les images que l'on a vues, c'est des images de ton antre, qui n'est plus une antre de sous-marinier, mais dans laquelle tu officies aujourd'hui. Et ces vidéos, beaucoup des vidéos que tu restaures, sont aujourd'hui en ligne. Donc je vous invite tous et toutes à les regarder, évidemment, avec grand intérêt. Il suffit de taper sur un moteur de recherche « Archives vidéo Paris 8 » et vous tombez immédiatement sur le site de Patrice. Donc beaucoup, beaucoup de choses sont accessibles. C'est la fac, c'est pas mon site perso. Ouais, enfin, c'est moi qui l'alimente. Voilà, toi qui l'alimente, en tout cas, cette page, voilà, les archives vidéo, donc, avec l'historique, et puis... Tu ne connais même pas, non? Il y a tous les films. Il y a plein de films, là. On tape sur films et bandes annonces, Et donc, ce que je propose justement, c'est que nous voyons la quelques bandes annonces qui vous donnent un aperçu de bandes vidéo anciennes, donc de l'époque dite de Vincennes, que Patrice a restauré. Donc, pour commencer, je propose que l'on regarde Vincennes, espace vécu. Peut-être que tu peux en dire deux mots. La bande-annonce, on va regarder. Hein. La bande-annonce que tu as faite. C'est dommage que Annie Coadel ne soit pas là. Oui, elle aurait pu en parler mieux que moi, parce que c'est un film qu'elle a fait avec ses étudiants. Celui-là, elle l'a peut-être fait avec aussi une enseignante de philo qui s'appelle Marielle Burkhalter, qui lui a fait les images. Mais après, le montage a été fait avec les étudiants, etc. Du département FLE, donc. Français, langue étrangère. Et dans son projet... dans ce qu'elle avait mis en place, projet pédagogique pour entraîner les étudiants étrangers qui ne maîtrisaient pas encore assez bien le français. Son idée, c'était de les impliquer dans un projet. Donc ça pouvait être un projet vidéo, mais ça pouvait être d'autres choses. Et elle a fait ça toute sa carrière, y compris en continuant à Saint-Denis. Donc de faire participer autour d'un projet les étudiants avec différents groupes de projets. Et sur la vidéo, c'était réaliser un film vidéo. Et les deux qu'elle a montés à cette époque-là, 77-78, participer un petit peu en même temps, à expliquer ce que les étudiants faisaient dans cette filière, enfin comment ils fonctionnaient. Et aussi, évidemment, pour la défense de Vincennes, puisqu'à partir de 77-78, ça a commencé à chauffer un petit peu et on a bien senti que les choses allaient mal se terminer pour cette université. Et puis ça n'a pas raté, évidemment. Donc ces films-là s'inscrivent aussi un peu dans ce contexte. Mais après, en parler plus précisément, ça je ne pourrais pas, parce que c'est quand même elle qui aurait pu... Bien sûr. L'UV dont elle s'occupait était appelée « Langue, vidéo et création collective ». Et si j'ai bien compris, c'était auprès de Jean-Paul qu'elle avait appris la vidéo, Annie Coadel. Auprès de Jean-Paul Fargy, on en reparlera tout à l'heure. Je ne m'en rappelle plus. Non, il y a eu un stage, je crois, où elle était. Un stage avec d'autres membres du personnel. Oui, je pense qu'il y a eu des stages en photo, des stages comme ça. Il y a Sophie qui est là. Voilà, qui pourra en parler tout à l'heure, justement. Un stage en particulier, mémorable, qui a détourné. En tout cas, Annie Coadel avait effectivement développé une pédagogie assez singulière qui consistait vraiment, disait-elle, à essayer de faire de ses étudiants des auteurs-acteurs à part entière dans le jeu institutionnel, ce qui, disait-elle, lui attirait par ailleurs évidemment bien des ennuis. C'était assez logique puisque c'était précisément dans cette contradiction-là qu'elle travaillait. Donc, on va regarder la bande-annonce que tu as montée de... Vincennes comme espace vécu.